Thank you. absurd, je parle. I just wanna be I don't wanna

Pas la basse. Tu peux pas me jouer la guitare à basse ?